يطهر بلدنا من الحزبيات. الحزبيات نار حمراء. الحزبيات نار حمراء. فأنا بقول حينئذ ليس صواب أن يقال أن الإخوة المسلمين هم من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. نعم لا ما أحتاج أقول ولا أشك في ذلك. السؤال الأول هل صحيح أن هل هي صحيحة مقولة أن ضرر الإخوة المسلمين على الأمة أعظم من ضرر اليهود النصارى؟ هذا لا قد من هذا الاعتبار قد يكون ضررهم أكثر. قد يكون ضررهم أكثر لكن لا نعاملهم معاملة اليهود والنصارى. Dans cette vidéo, nous mettons ensemble deux citations de Cheikh Albani rahimahullah, précédées d'un préambule de Cheikh Muqbil rahimahullah, où il s'écrit contre le sectarisme. Cheikh Muqbil rahimahullah dit « Al-Hizbiyyatu narun hamra » Le sectarisme est un feu rouge, c'est-à-dire brûlant. Après ce préambule du Cheikh Muqbil, nous mettons deux mots très forts de l'imam Albani rahimahullah, dans sa mise en garde contre le parti des frères musulmans. 1. Dans le premier morceau, il déclare clairement qu'il n'est pas juste de dire que les frères musulmans, al-Ikhwan Muslimoun, seraient des gens de la Sunna, étant donné qu'ils combattent la Sunna. Il dit, rahimallah, « ليس صواب أن يقال الإخوان المسلمون من أهل السنة لأنهم يحاربون السنة. » Note du traducteur. La sunna ici est à prendre au sens strict, non pas au sens large, car au sens large, les gens de la sunna s'opposent aux rawafid. Les gens de la sunna ici, y compris le groupe égaré des frères musulmans, s'opposent aux rawafid. Mais là encore, ce n'est pas une chose acquise. L'opposition des frères musulmans aux rawafid n'est pas manifeste, loin de là. Puisque le fondateur même de ce groupe des frères musulmans est un précurseur dans l'innovation du rapprochement entre les sunnites et les chiites. Bid'at al-taqrib bayna sunna wa shi'a. Cette précision est en fait, nous disons que le sens de cette déclaration de l'imam Albani rahimallah est que les frères musulmans ne font pas partie de la sunna, c'est-à-dire de la salafia, du groupe sauvé, vu qu'ils combattent la salafia. 2. Dans le deuxième morceau, il fut interrogé au sujet de cette citation que le méfait des frères musulmans sur la Umma peut être plus grand que celui des juifs et des chrétiens. Le Cheikh Rahimallah répondit que c'est une chose tout à fait plausible selon une nuance qu'ils étaient en train de discuter. Et le Cheikh rappelle et précise que ce jugement ne signifie pas qu'il faudrait les traiter comme des juifs ou des chrétiens. Note du traducteur. Certes, il ne faut pas les traiter et les considérer comme des juifs ou des chrétiens. Ceci est plutôt leur façon à eux de procéder, surtout vis-à-vis des gouverneurs des pays musulmans, qu'il qualifie légèrement de mécréants, kuffar. Mais il ne faut pas non plus les traiter comme le groupe sauvé, qui est sur la bonne guidée. Le juste milieu, ici, est de les traiter comme des gens de passion et d'innovation. Ahlul bid'ah wa ahwa'.